m'en fais un sur le déco et je suis berger. Ça des loups dans le game, je suis le berger. Tu es dehors et y'a personne pour t'héberger. Dieu merci, je suis encore vivant et j'ai percé. On est venu faire des poussettes, j'ai fait les impas. J'ai cru jouer à FIFA quand je descends pas. J'ai rien fêté quand j'ai dépassé les 100k. J'ai connu la galère, je traînais trop en bas. J'ai mis la béquille latérale, j'ai regardé la vue. Quand les malheurs arrivent, faut dire que j'ai la vie. Fais gaffe, mon frangin, il fait TB quand il a bu. Il voit flou, il peut mettre droite la Kawasaki. Je fais des tours, même solo. Je prends le soleil, là, je suis sous l'eau. Les claquettes et les hauts-clés. Devant le bloc, la tienne. Ça y a, tu te fais des gris-gris. Elle fait tes plages, dis mon bébé, elle veut le mili. Sur Insta, elle veut être côté, surcoté en Lamborghini. Elle veut un mec qui a le mili. Elle en a marre de la mini. Elle veut la mère qu'on la porte qui s'ouvre sur le côté, sur le côté. Moi, je vais rester le même, je vais pas changer. Toujours donner un peu à ceux qui m'ont dit. Partir avec maman à l'étranger. Mon équipe, c'est les rois avec qui j'ai grandi. J'ai toujours le sourire quand je croise des fans. À la mi-fetchi, mais rien que je les étonne. Dis-moi, hésite pas, le man si fan. J'ai ma femme, les Aziz, elle, mon cœur, je donne. C'est bizarre ici quand c'est trop beau. Vieux mec, stage qui t'habille. Dans le game, non, y'a pas de cadeau. Le chemin est long, moi, je marche comme l'arbi. Mon poteau, tout ce, c'est. Les bleus savent, c'est qui gère. C'est chacun son secteur. C'est chacun son compte bancaire. Ah ouais, ouais, Nia 6-9-200 intro. Non, t'es pas mon rouille. Toi, rien que tu parles sur moi. Ta gadi te fait des gris-gris. Elle fait tes plages, dis mon bébé, elle veut le mili. Sur Insta, elle veut être côté, surcoté en Lamborghini. Elle veut un mec qui a le mili. Elle en a marre de la mini. Elle veut la mère qu'on la porte qui s'ouvre sur le côté. Sur le côté. En bas de la tour, le petit ravita et la mentale. Et le monstre, big up, m'inquiète la pyramide. Tu te croyais loin des traits. Tu t'es fait baiser par ton pyramide. Et demande à l'allemand, gros popo dans l'allemande. Toi tu fais trop le mec, ça veut te mettre à l'amende. Là c'est Marseille, là c'est Lyon. Temple en studio, ça veut péter le million. Ça faire passer des kilos. Ça s'inquiète dans la Clio. Armé comme Mario. Capuché dans le barrio. Je baisse lui qui me sale. Fais tes plages, dis mon bébé, elle veut le mili. Sur Insta, elle veut être côté, surcoté en Lamborghini. Elle veut un mec qui a le mili. Elle en a marre de la mini. Elle veut la mère qu'on la porte qui s'ouvre sur le côté. Ta gadi te fait des gris-gris. Elle fait tes plages, dis mon bébé, elle veut le mili. Sur Insta, elle veut être.